Chapitre 9. Ce qui se passe entre le général Richepense et Gaston de Foissac. Les nouvelles que l'on recevait de l'insurrection devenaient chaque jour de plus en plus graves. Le général en chef avait appris que le capitaine Ignace, échappé, on ne savait comment, du fort Saint-Charles à la tête d'une nombreuse colonne, s'était jeté dans le Matoumba, où il s'était solidement établi, et de là dominait tout l'intérieur de l'île et envoyait des détachements jusqu'à la Grande Terre. Tous les ateliers avaient été successivement abandonnés par les Noirs, qui s'étaient pour la plupart réunis aux révoltés et avaient été grossir leurs rangs. Plusieurs petits détachements français, surpris à l'improviste par les rebelles, avaient été enlevés ou taillés en pièces. L'intérieur de l'île était en feu. Les plantations brûlaient toutes. C'était la guerre. Une guerre de race, avec toutes ses horreurs. La terreur était partout. L'île de la Guadeloupe n'était plus qu'un immense brasier. Seules les villes offraient encore un refuge précaire aux colons épouvantés. Il fallait frapper un grand coup, et n'importe à quel prix, abattre la rébellion. Le siège du fort Saint-Charles était poussé avec une extrême vigueur. Le général en chef voulait absolument déloger les révoltés de la redoutable position qu'ils occupaient, les contraindre à se réfugier dans les mornes et délivrer ainsi la ville de la basse terre du voisinage redoutable des Noirs et de l'appréhension continuelle dans laquelle vivaient les habitants, qui, tant que la forteresse demeurait aux mains des insurgés, craignaient que Delgrès ne mît à exécution la menace qu'il leur avait faite de bombarder la ville. Enlever le fort Saint-Charles, c'était priver les révoltés d'une base d'opération solide et les contraindre à une guerre de partisans dans laquelle ils ne pouvaient tarder à succomber. Aussi, tous les efforts de l'armée française tendaient-ils à obtenir le plus promptement possible ce résultat si important pour le succès des opérations militaires qui devait terminer brillamment la guerre civile. Ainsi que nous l'avons dit, on se battit sans discontinuer. Depuis le 24 jusqu'au 30 Floréal, le corps d'observation avait constamment été aux prises avec les révoltés, qui tenaient la campagne et ceux-ci avaient constamment été repoussés. Les sorties du fort pour combler les tranchées n'avaient pas été moins fréquentes ni moins meurtrières pour la garnison. Enfin, le 1er Prairial, 4 batteries furent établies avec des difficultés extrêmes et mises en état de battre en brèche. On les fit jouer tout à la fois. L'effet qu'elles produisirent fut terrible. Plusieurs mortiers qui lançaient des bombes achevèrent d'écraser le fort. Malgré tous leurs efforts, les Noirs furent d'abord contraints à diminuer leur feu et bientôt de l'éteindre tout à fait, à l'exception de deux pièces que les artilleurs français ne parvinrent pas à démonter et qui tiraient continuellement sur la ville dans laquelle elles répandaient une indicible épouvante. Le général Sérisiat, dans le but de resserrer encore le fort de plus près et de balayer en même temps toutes les bandes insurgées qui se montraient de plus en plus nombreuses sur les routes, avait ordonné au général Pélage de se transporter en personne sur l'habitation Armand, de prendre avec lui toutes les troupes réunies au Palmiste, composées de la 15e demi-brigade tout entière et des grenadiers et des chasseurs de la Réunion, puis de descendre sur deux colonnes et de se transporter en masse sur l'habitation de l'hôpital, qui devait être occupée de force. Le général Pélage exécuta ce mouvement avec beaucoup de vigueur. Il prit position ainsi qu'il en avait reçu l'ordre. Puis, afin d'établir solidement ses communications, il fit longer la rive gauche du Galion par deux compagnies de la 60e demi-brigade, qui descendirent ce torrent jusqu'à la hauteur du passage Jésus-Maria, où elles s'établirent militairement sous une grêle de balles, et se maintinrent malgré les efforts désespérés des insurgés pour les déloger. Ce premier et double succès obtenu, les deux compagnies opérèrent leur jonction au passage Jésus-Maria, balayèrent par une charge vigoureuse les tirailleurs qui incommodaient les batteries de l'île, et les rejetèrent au loin. Puis, sans prendre à peine le temps de respirer, guidés par leur valeureux chef, les Français s'élancèrent à la baïonnette sur le poste Bisdari, occupé par les Noirs. Deux fois repoussés, deux fois ils revinrent avec une nouvelle ardeur, franchirent les retranchements sur des monceaux de cadavres, et finalement réussirent à rester maîtres de cette forte position dont ils chassèrent les défenseurs l'épée dans les reins. Le succès de cette opération difficile permit au général Pélage d'étendre sa gauche et de demeurer définitivement en possession des passages principaux, qui conduisaient au fort et par lesquels les révoltés communiquaient avec l'intérieur de l'île, et recevaient des renforts que leur envoyaient incessamment leurs adhérents des Mornes. C'était de ce côté que le capitaine Ignace, 3 jours auparavant, avait opéré sa retraite, sans avoir même été aperçu, et s'était retiré au Matouba. En quelques jours, les révoltés furent enfin rejetés définitivement loin de la basse terre, et le fort Saint-Charles demeura seul en leur pouvoir. Nous ferons remarquer un fait qui eut plus tard de très graves conséquences et contribua beaucoup à éteindre la révolte. Dans les derniers combats qui furent livrés par le corps d'observation, les nègres insurgés furent extrêmement étonnés de voir leurs anciens camarades, des noirs comme eux, incorporés au bataillon français, les attaquer et les combattre comme si de tout temps ils avaient été leurs plus cruels ennemis. Les révoltés se crurent trahis. La démoralisation commença à se mettre dans leur rang et amena une hésitation dans leurs mouvements, dont les Français surent habilement profiter en toutes circonstances. Cette vue de leurs compagnons combattant contre eux et devenus leurs ennemis fit complètement perdre aux insurgés l'espoir de réussir à chasser les Français de l'île et à se rendre indépendants, espérance que, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, ils avaient conçu et qui avait été en réalité la seule cause de leur formidable levée de boucliers. Cette idée, tout absurde, qu'elle parut en principe aux Blancs, ne manquait pas cependant d'une certaine vraisemblance de logique lorsque ces malheureux n'avaient à combattre que les Français, qui, décimés par le climat et les maladies terribles qu'il engendre parmi les Européens, voyaient leur nombre diminuer tous les jours, et ne pouvaient, ainsi que le supposaient les Noirs, vu leur faiblesse numérique, conserver l'espoir de les réduire. Les insurgés découragés commencèrent à se réfugier dans les bois et les mornes. Ils sentaient que tout croulait sous leurs pieds, que leurs entreprises avorteraient misérablement, et qu'ils ne tarderaient pas à être réduits au rôle précaire de nègres marrons, c'est-à-dire de simples brigands. Exaspérés par l'insuccès, ils ne gardaient plus aucune mesure. Des faits de violence atroces signalaient leur retraite. La route qu'ils suivaient était littéralement semée de cadavres de blancs et de plantations ravagées, brûlant comme de sinistres phares, pour éclairer la fuite précipitée de ces hommes, qui, ne pouvant plus conquérir la liberté, se livraient à la vengeance. Tels étaient les résultats obtenus par l'armée française au premier prairial en 10. Ce fut 2 jours plus tard que Mademoiselle Renée de la Brunerie, rendue à la liberté par le commandant Delgrès, avait été ramenée à la basse terre par le chasseur de rats, acclamée sur sa route par la foule, qui saluait son retour avec enthousiasme. Le général Richepense et M. Gaston de Foissac avaient quitté de compagnie le salon de Mademoiselle de la Brunerie. Arrivés sur le palier de l'appartement qu'il occupait au premier étage dans la maison du planteur, le général se préparait à prendre poliment congé de son compagnon, lorsque celui-ci l'arrêta en lui disant avec la plus extrême courtoisie « Serais-je assez heureux, général, pour que vous daigniez m'accorder quelques minutes ?»« Vous désirez me parler, monsieur ?» répondit le général en réprimant un mouvement de surprise. « Si vous me le permettez, oui, général. » « Mais rassurez-vous, ajouta-t-il avec son sourire triste et sympathique, je n'abuserai ni de vos précieux instants, ni de votre patience. »« Je suis à vos ordres, monsieur. Une conversation avec un homme de votre valeur ne saurait être que fort intéressante. »« Je vous remercie de me procurer cette satisfaction, » répondit le général d'un ton de bonne humeur. « Veuillez me suivre. » Le jeune homme passa devant son hôte et pénétra avec lui dans son appartement. Le général traversa sans s'y arrêter 2 ou 3 pièces où se trouvaient des officiers de tout grade et dans lesquelles des secrétaires assis à des tables couvertes de papier écrivaient ou compulsaient des registres. Il ouvrit une dernière porte et se tournant vers M. de Foissac qui marchait sur ses pas. « Entrez, monsieur, » lui dit-il, et s'adressant à un de ses aides de camp. « Capitaine Paris, » ajouta-t-il, « veuillez, je vous prie, à ce que, à moins de motifs très sérieux, je ne sois pas dérangé. » « Vous serez obéi, général, » répondit le capitaine. la pièce dans laquelle le général Richepanse avait introduit M. de Foissac était son cabinet particulier. L'arrangement en était significatif. Cette pièce, très vaste et éclairée par trois larges et hautes fenêtres, n'était meublée que d'un grand bureau en bois de citronnier, couvert de papier de toutes sortes, d'un pied-douche en palissandre placé en face du bureau, entre deux fenêtres et supportant une magnifique pendule en rocaille du rococo le plus authentique. Un fauteuil sur lequel s'asseyait le général lorsqu'il voulait écrire, un second fauteuil et quatre chaises complétaient l'ameublement plus que simple de ce cabinet. Mais ce qui lui imprimait un caractère particulier était une immense carte de l'île de la Guadeloupe et de ses dépendances, longue de 8 mètres sur autant de large, étendue à plat sur le parquet. Cette carte, dressée avec un soin minutieux, indiquait jusqu'au moindre sentier les ajoupas et les fourrés avec leur position exacte. Une foule de grosses épingles à tête rouge, plantées çà et là dans la carte, indiquaient les différents points occupés par les troupes françaises. D'autres épingles à tête noire, en nombre beaucoup plus considérable encore, servaient à désigner les positions défendues par les insurgés et jusqu'au plan des fortifications élevées dans les places principales. Cette carte était d'une exactitude rigoureuse. Rien n'avait été négligé ni oublié. Jusqu'au plus mince ruisseau s'y trouvait, ainsi que la largeur et la profondeur des gués et les sentes presque impraticables qui serpentaient capricieusement sur le flanc des mornes. Le général passait souvent des heures entières couché sur cette carte et dictant à ses secrétaires des ordres que ses aides de camp transmettaient aussitôt au chef de corps de l'armée républicaine. Après avoir refermé la porte du cabinet, le général indiqua de la main un siège à son visiteur, en priant pour lui-même et s'inclinant avec un bon sourire. « Vous voici prêt à vous entendre, dit-il. Parlez, monsieur, je vous écoute. » Gaston de Foissac semblait en proie à une vive émotion intérieure. Cependant, à l'invitation du général, il fit un violent effort sur lui-même, épongea à 2 ou 3 reprises, avec son mouchoir, son front moite de sueur, et s'inclinant à son tour. « Pardonnez-moi, général, dit-il, d'une voix dans laquelle tremblait encore une légère émotion. L'étrangeté de la démarche que je tente en ce moment, et plus encore, la singularité des questions que je désire vous adresser, en vous priant de daigner y répondre. » En parlant ainsi, il avait un accent bref, saccadé, qui sans doute provenait des efforts immenses qu'il était contraint de faire pour renfermer en lui les sentiments qui grondaient sourdement dans son cœur. « Monsieur, répondit le général, toujours calme et souriant, votre démarche n'a rien que de très ordinaire. Je serai toujours fort honoré de recevoir la visite d'une personne de votre intelligence et de votre nom. Quant aux questions que vous me désirez adresser, bien que je soupçonne un peu ce dont vous voulez me parler, et ce que vous comptez me demander, je suis prêt à vous répondre, n'ayant jamais eu que je sache rien dans ma vie que je ne puisse hautement avouer. Maintenant parlez sans hésitation et avec une entière franchise. Croyez que je vous répondrai de même. Je vous remercie de m'encourager ainsi, général. Je me hâte de profiter de votre bienveillance. À la bonne heure, monsieur. Je vois que nous comprenons. Je prête la plus sérieuse attention à vos paroles. Général, je ne chercherai pas à ruser avec vous. Je vois que vous avez compris dès le premier moment que je désirais vous entretenir de Mademoiselle Renée de la Brunerie. Ce n'était pas difficile à comprendre, monsieur. D'ailleurs, permettez-moi de vous répondre avec autant de franchise. Je ne vois pas quel autre sujet plus intéressant pourrait être traité entre vous et moi, dont les positions respectives sont en ce moment si différentes. En effet, général, c'est donc de ce sujet seul que nous allons nous entretenir. Je ne vous dirai rien de ma première jeunesse ni du projet formé, peut-être un peu à la légère, entre le père de Mademoiselle Renée et le mien, de nous marier, alors que ni elle ni moi nous n'étions en état de protester contre une semblable prétention. Mademoiselle Renée de la Brunerie vous a complètement édifié à cet égard. Je ne prétends faire valoir à vos yeux aucun des prétendus droits que me donne l'engagement, que vous savez, et dont moi, tout le premier, je n'admets et ne puis reconnaître la valeur. Je me présente donc à vous, général, sans aucun titre réel à vos yeux qu'une connaissance antérieure, et je vous demande franchement ceci. À vous, mon rival, vous, homme loyal, sincère, habitué par les exigences de ce dur métier de soldat que vous faites presque depuis votre enfance à mûrement réfléchir, à peser sérieusement vos actions, même les plus indifférentes, et à juger plus sainement les choses. Croyez-vous que cet amour de Mademoiselle de la Brunerie pour vous soit sincère ? Monsieur... Pardon, général. Je n'ai pas terminé encore. Laissez-moi achever, je vous prie. Soit, continuez donc, monsieur. Croyez-vous, dis-je, reprit le jeune homme d'une voix ferme et accentuée, que dans cette passion d'un jour, née d'un regard, d'un mot peut-être, depuis que vous êtes arrivé à la Guadeloupe, c'est-à-dire 10 jours au plus, croyez-vous qu'il n'y ait pas une surprise, une espèce de fascination incompréhensible? Supposez-vous que cette passion, autant de votre part que de celle de Mademoiselle de la Brunerie elle-même, soit assez réelle, assez profonde en un mot, pour fonder sur elle un avenir de bonheur, et que tous deux vous ne cédez pas à un entraînement qui peut amener de douloureuses conséquences, lorsque plus tard la désillusion sera venue, que vous reconnaîtrez avec épouvante que tous deux vous vous êtes trompés, que ce que vous avez de bonne foi pris pour de l'amour n'était qu'un de ces fugitifs mirages moraux qui exercent pour un temps une puissance irrésistible sur notre être, pour ne nous laisser après quelques jours que le regret tardif de nous être trompés, et là où nous pensions trouver le bonheur, n'avoir résolument accompli qu'une double infortune. Monsieur, répondit le général avec une expression de tristesse sympathique, ce que vous me dites me touche profondément. J'apprécie comme je le dois le sentiment généreux qui vous anime en me parlant ainsi que vous le faites. Malheureusement, après ce que vous achevez de me dire, je me trouve placé par vous-même dans l'obligation terrible de vous causer une grande douleur. Parlez, général. Quoi que vous me disiez, je suis préparé à l'entendre. Vous êtes homme d'honneur. Vous ne voudriez pas me tromper, j'ai foi en vous. Merci, monsieur. Je saurai me montrer digne de l'opinion que vous avez de moi. Tout ce que vous m'avez fait l'honneur de me dire sera de la logique la plus rigoureuse, si d'un seul mot je ne réduisais pas à néant votre raisonnement, d'ailleurs si sensé, si vrai, et si profondément honnête et humain. Depuis près de 3 ans, j'aime Mademoiselle de la Brunerie, et j'ai le bonheur d'en être aimé. Depuis 3 ans ? S'écria le jeune homme avec une surprise inexprimable. C'est impossible, général. Je ne relèverai pas, monsieur, répondit Richepense avec calme, ce que votre incrédulité et la façon dont vous l'exprimez ont de blessant pour moi. Oh, pardonnez-moi, général, je voulais... Vous êtes tout excusé, monsieur, interrompit doucement le général Richepense. Ma position vis-à-vis de vous est extrêmement difficile. Nous aimons la même femme, elle me préfère. Vous avez le désespoir au cœur. Hélas, murmura le jeune homme, je sympathise de toutes les forces de mon âme à votre douleur. Dieu m'est témoin que je ne voudrais pas l'augmenter. Malheureusement, cet entretien que je ne désirais pas, que j'aurais, je vous l'avoue, évité de tout mon pouvoir si cela m'eût été permis, c'est vous-même qui l'avez exigé. L'explication que vous me demandez doit donc être nette, claire et surtout franche entre nous. C'est ce que je désire, général. Ainsi ferai-je, monsieur, je dois, et j'y suis obligé, essayer d'arracher de votre cœur le dernier rayon d'espoir, qui, malgré vous, à votre insu, y est resté. Cette obligation pénible, je saurai la remplir. J'aurai le triste courage de vous rendre ce service terrible. L'amour ne se nourrit que d'espoir. On ne peut aimer seul. L'espoir tué, l'amour meurt. C'est une des lois fatales de la nature. Je vous ai dit que depuis 3 ans à peu près, j'aime Mademoiselle de la Brunerie. J'ajouterai que c'est tout exprès pour me rapprocher d'elle et pouvoir demander sa main à son père que j'ai accepté, ou pour mieux dire, sollicité du premier consul le commandement du corps expéditionnaire destiné à opérer contre les voltés de l'île de la Guadeloupe. Mademoiselle de la Brunerie, pendant les 3 années qu'elle passa dans le couvent du Sacré-Cœur à Paris, sortait chaque semaine. Elle allait passer la journée du dimanche chez madame la comtesse de Brévannes, sa parente, à laquelle son père l'avait recommandée. J'avais l'honneur d'être reçu chez madame de Brévannes. Ce fut là que, pendant les trop courts loisirs que me laissait la guerre, j'eus l'honneur de voir Mademoiselle de la Brunerie. Sans qu'un seul mot eût été prononcé à ce sujet, entre Mademoiselle de la Brunerie et moi, je vous le jure sur l'honneur, monsieur, je compris que j'étais aimé. Oh, je vous crois, général, cela devait être ainsi. La veille du jour où Mademoiselle de la Brunerie quitta Paris, j'osais, non pas lui déclarer mon amour, mais seulement le lui laisser entrevoir. Elle lut dans mon cœur tout ce qu'il renfermait de passion vraie, de dévouement. Elle ne me repoussa pas, sans pourtant m'encourager à l'aimer. Elle partit. Vous savez le reste, monsieur. C'est à vous maintenant à juger si vous devez conserver l'espoir d'être aimé un jour. Je vous remercie de cette explication si loyale que je n'avais pas le droit de vous demander, général, et que vous m'avez si franchement donnée. Je connais le caractère de ma cousine. Son cœur, elle l'a dit elle-même, et je sais que cela est vrai, ne se donne pas deux fois. Je ne conserve aucun espoir. Je tuerai cet amour en l'arrachant violemment de mon cœur, ou il me tuera. Mais, quoi qu'il arrive, général, soyez convaincu que je serai resté digne d'elle, de vous et de moi. Voici ma main, général, serrez-la aussi franchement que je vous l'attends. C'est celle d'un ami. Bien, monsieur, voilà qui me charme, s'écria le général en lui pressant chaleureusement la main. C'est parler et agir en homme. Maintenant, voulez-vous me permettre de vous adresser une question à mon tour? Parlez, général. Est-il une chose, quelle qu'elle soit, qui dépende de moi seul et que je puisse faire pour vous? Il en est une, oui, général. J'y souscris d'avance. Vous me le promettez? Sur l'honneur. Eh bien, général, je désirerais... En ce moment, on frappa à la porte. Le jeune homme fut contraint de s'arrêter. Entrez, dit le général. La porte s'ouvrit, le capitaine Paris, le premier aide-de-camp du général en chef, parut. Que désirez-vous, mon cher Paris? Lui demanda Richepanse. Excusez-moi, mon général, répondit le capitaine. Le général Gobert vient d'arriver au quartier général en toute hâte. Il a, dit-il, à vous communiquer d'importantes nouvelles, qui ne souffrent point de retard. Que faut-il faire, général? Le faire entrer, capitaine. Vous permettez, n'est-ce pas, cher monsieur? Ajouta-t-il en se tournant vers monsieur de Foissac avec un sourire amical. Faites, général, et même si vous désirez être seul, ajouta-t-il en se levant. Non pas, monsieur, c'est inutile. Restez, je vous prie. En ce moment, le général Gobert pénétra dans le cabinet. Le général Gobert, né à la Guadeloupe en 1769, avait à cette époque 33 ans. C'était un des plus beaux et des plus complets types créoles qui existassent alors. Grand, bien fait, l'œil noir et perçant, le front large, les traits énergiques, son visage respirait la franchise, la loyauté et la bonne humeur. Il était adoré par les soldats et le méritait par sa bonté d'abord, et ensuite par sa valeur à toute épreuve et ses talents hors ligne. « Tu te fais donc invisible ?» dit-il en riant en tendant la main au général. « Pas pour toi toujours, » répondit Richepanse sur le même ton, « puisque te voilà. »« C'est juste. Ah, bonjour mon cousin, » ajouta-t-il en apercevant le jeune homme et s'avançant vivement vers lui. « Je suis charmé de vous voir. Comment vous portez-vous? C'est donc vous qui accaparez le général ?»« Ma foi, oui mon cousin, je l'avoue, » répondit Gaston en lui rendant son salut. « Ah ça, vous êtes donc parents, messieurs ?» reprit Richepanse. « Je le crois bien, » s'écria le général Gobert. « Nous sommes tous parents à la Guadeloupe, c'est comme cela. »« Blanc et noir ?»« Mauvais plaisant. »« Mais je te pardonne, tu es européen, toi, » fit-il avec un léger mouvement d'épaule. « Mais voyons, qu'est-ce que tu as de si pressé à m'annoncer ?»« Une nouvelle excessivement grave. »« Diable, assis-toi d'abord. » Le général Gobert se laissa tomber sur un fauteuil. « Parle maintenant, » reprit Richepanse. « Est-ce sérieux ?»« Très sérieux. » D'ailleurs, tu vas en juger. Je viens d'être averti par mes espions que ce drôle d'ignace s'est, il y a deux nuits, échappé, je ne sais comment, du Fort Saint-Charles. Seul? Non pas. À la tête de 800 noirs. Allons donc, tu rêves, mon ami. C'est matériellement impossible. Malheureusement, je ne rêve pas. Ma nouvelle est rigoureusement exacte. Toute la campagne est en feu. Ignace brûle, pille et massacre tout sur son passage. Oh, voilà une rude nouvelle, mon ami. Par quel côté s'est-il échappé? Par la poterne du galion. Il s'est rué comme un démon à l'arme blanche sur les grands gardes du Cérisiat, leur a passé sur le corps, a comblé les tranchées et a disparu avec les diables incarnés qui le suivaient. Tu es certain que ce n'est pas une sortie et que ce drôle, après son coup de main, n'est pas rentré dans le fort? Je te répète que j'en ai la preuve. Voilà qui est malheureux. Connaît-on exactement la direction qu'il a prise? Non. Car jusqu'à présent, il semble n'en suivre aucune. Il dévaste, voilà tout. C'est bien assez. Il faut en finir avec cet homme. Je viens tout exprès pour m'entendre avec toi à ce sujet. Où se trouve-t-il en ce moment? Aux environs des Trois-Rivières, à un endroit nommé, m'a-t-on dit, le Package. Bon, attends un peu. Le général se leva et alla s'étendre de tout son long sur l'immense carte dont nous avons parlé. Il examina, pendant quelques instants, la carte avec la plus sérieuse attention. puis se tournant vers le général Gobert qui s'était agenouillé près de lui. « Tiens, regarde, il est là, » lui dit-il. « C'est cela même. La position est excellente. Elle est surtout très intelligemment choisie. » « Pardieu, Ignace est un affreux gredin. Mais ce n'est pas un imbécile, il sait la guerre. » « Cela se voit. Il est à cheval sur deux routes. Celle qui mène à la Pointe-à-Pitre et celle qui conduit au Matouba. Maintenant, laquelle prendra-t-il ? Voilà ce qu'il est important pour nous de découvrir au plus vite. » « Je pense, dit alors le général Gobert, que le plan de ce drôle doit être celui-ci. Voyons. Marcher sur la Pointe-à-Pitre, qu'il s'est à peu près dégarni de soldats, en faisant une fausse démonstration sur le Matouba, pour nous donner le change, rallier sur son chemin toutes les bandes insurgées éparses dans les mornes, s'emparer du passage de la rivière Salée, des forts Fleurs d'Épée, Brindbridge, Union, etc. Se rendre en un mot maître de la Grande Terre, y concentrer les forces des rebelles, et reprendre vigoureusement l'offensive en nous contraignant par des marches et des contre-marches habiles dans un pays qu'il connaît parfaitement, à fatiguer nos troupes et à les disséminer dans toutes les directions. Tandis que Delgrès, ajouta Richepense, se renfermera, lui, dans les mornes et fera un appel énergique aux nègres révoltés. Oui, tu as raison. Ce plan doit être celui adopté par Ignace et Delgrès. Car il est logique et ils sont habiles, nous devons en convenir. Ils jouent en ce moment leur fortune sur un coup de dé. S'ils réussissent, ils nous placent dans une situation, sinon dangereuse, du moins très difficile. Il faut les contrecarrer à tout prix. Veux-tu te charger de cette affaire ? C'est exprès pour cela que je suis venu te trouver, cher ami. Tu as bien fait, dit le général en se relevant. Je préfère que ce soit toi. Au moins je suis sûr que l'expédition sera menée rondement. Le général Pélage t'accompagnera. J'allais te le demander, c'est un brave officier que j'aime. Et moi aussi. Quels sont les ordres ? Je te donne carte blanche. Dans une expédition comme celle qu'il s'agit de faire, mon ami, tu dois prendre la responsabilité, ainsi que disent les médecins, et rester seul maître de tes actions, que des ordres supérieurs donnés de loin pourraient contrarier et nuire ainsi au succès de ton entreprise. Tu connais l'homme auquel tu vas avoir affaire. C'est à toi à agir en conséquence, et surtout, suivre sans hésiter tes inspirations qui sont toujours bonnes. Merci. De combien d'hommes pourrais-je disposer ? 1200, est-ce assez ? Cela suffira. Quand dois-je partir ? Quand tu voudras. Le plus tôt sera le mieux. Oui, de suite même, si tu veux. Le temps presse. Tu as raison, avant une demi-heure, je serai en route. Au revoir, ajouta-t-il en lui serrant la main. Au revoir, répondit Richepense. Bonne réussite. Frotte-moi rudement ces gens-là. Je tâcherai. Pardon, messieurs, dit alors monsieur de Foissac, qui pendant toute cette conversation avait cru devoir garder un silence modeste. Un mot, s'il vous plaît. Parlez, monsieur, lui répondit gracieusement Richepense. Lorsque mon cousin est entré, je vous priais de me rendre un service général. En effet, monsieur. Et moi, je vous répondrai que quel que fût ce service, j'étais prêt à vous le rendre. Êtes-vous toujours dans les mêmes intentions, général ? Toujours, monsieur, que désirez-vous ? Je désire, général, être attaché jusqu'à la fin de la guerre à mon cousin, en qualité d'officier d'ordonnance, volontaire, bien entendu. Je n'ai d'autres prétentions que celles de me rendre utile. Richepense lui lança un regard clair et perçant, qui semblait vouloir découvrir sa pensée secrète jusqu'au fond de son cœur. « Ne craignez rien, général, répondit M. de Foissac, avec un sourire mélancolique. Mon intention n'est aucunement celle que vous me supposez. Je le désire, monsieur, je suis tenu par ma parole. Si mon collègue y consent, c'est chose faite, et vous êtes dès ce moment attaché à son état-major. Certes, j'y consens. Ce cher cousin, s'écria le général Gobert, en lui serrant gaiement la main, je suis heureux de la préférence qu'il me donne. C'est une affaire convenue. Merci, messieurs, dit Gaston de Foissac en s'inclinant devant les deux généraux.